Elles se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdes. De Hélène Le Gall. Premier épisode, la rupture. Il était un brave homme qui vivait dans un pays lointain. Il avait une belle maison et une ravissante fille, Cendrillon. Alors, pour lui faire plaisir, il épousa une veuve qui avait deux filles. Mais hélas, le brave homme mourut peu après. Tout changea pour la fillette. Sa belle-mère n'aimait que ses deux filles, Anastasia et Javotte, égoïstes, laides et méchantes. Cendrillon s'ennuyait. Un jour, le roi dit à son majordome, « Il est grand temps que le prince, mon fils, se marie. Nous allons organiser un bal aujourd'hui même. » Sitôt que Cendrillon apparut au palais, le prince sut que c'était elle qui l'attendait. La musique commença et le prince l'invita à danser. Ils dansèrent toute la soirée. Le cœur de Cendrillon chantait de joie. Minuit sonna, une citrouille changée en carrosse, pantoufles de verre. Le prince ébloui par Cendrillon. Taxi ! Ouais, salut. Vous êtes bien sur le répondeur de la Belle au bois dormant. Et c'est un message. Je vous rappellerai quand... Après ma... Oui, salut ma belle, c'est Cendrillon. Tu dors ? Coucou ! Allô ? Bon, bye bye. Et au fait, au cas où ça intéresse quelqu'un, je viens de quitter Albert. Taxi ! C'est pas vrai. Oui, Podane. Ouais, salut, toi. Je suis désolée, j'ai pas décroché. J'étais sur un passage hyper ardu de ma thèse. Ce chapitre sur la rétroversion des sentiments ambigus. Un enfer. Bon, alors, comme ça, t'as largué ton prince Albert ? C'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, hier soir, j'ai découvert que... Attends, il y a un taxi. Ah. Bonjour, je vais à... Oh, ma reine ! Je te sentais galérer pour trouver un taxi, il me restait une citrouille à la maison, alors me voilà, ma petite. Oh, tu me sauves la vie. Attends deux secondes. Oui, Podane. Ouais. Je te disais, ma rupture. Ta rupture ? Oui, ma reine, je te raconterai. Bon, alors, Cendrillon, j'en peux plus l'attendre, là. Pourquoi tu as plaqué ton prince ? Eh ben, j'ai découvert que tous les mercredis soirs... Excuse-moi, mais purée, c'est dur à avaler. Hein. Que tous les mercredis soirs, je faisais essayer... pantoufle de verre à une fille de 22 ans. Oh, le salaud. Il est où que je lui casse la gueule ? Il est où ? Non, c'est déjà assez compliqué. Écoute, ma reine, tu peux m'emmener chez ma belle-mère, s'il te plaît ? Mais attends, tu vas pas retourner vivre chez cette salope, quand même ? T'as envie de refaire la boniche pour Anastasia et Fachotte ? Javotte. Et où tu veux que j'aille ? Viens avec moi, si tu veux. On a monté une communauté de marraines à Oléron. C'est génial. On se rend des services, on vit à part, la plupart du temps à poil. On fume de l'herbe toute la journée, personne nous fait chier. À part nos filleuls de temps en temps. Non, ma reine, c'est gentil, mais... Dis-moi, Podane, tu peux m'héberger en attendant que je me retourne ? T'héberger ? Ah là là, tu sais, ce serait avec plaisir, vraiment, mais... j'ai vachement de problèmes avec la promiscuité, tu sais. J'ai passé énormément de temps rejeté à l'égard de la communauté, avec des cochons pour seul compagnon, tu vois. Mon psy me conseille d'y aller mollo sur les relations sociales. Oh merde ! Ah, faut que je te laisse. J'ai mon père sur l'autre ligne. Je la mets de la life et va me lâcher la grappe. Bon, ciao ma belle. Love love et courage, hein. Sympa. Merci les copines. Quand je pense que Podane, je lui ai quasiment sauvé la vie après son divorce avec son prince, tu sais que je l'ai récupérée à 3h du mat. Elle errait dans les rues avec sa tenue d'âne. J'aurais pas été là à se faire embarquer par la SPA. Je te jure, ma reine, c'est terminé d'être la cruche de service. Maintenant, tu sais quoi ? Je vais penser à moi. Rien qu'à moi. Et Clochette, elle peut pas t'héberger ? Tu plaisantes ? Sa maison fait la taille d'une boîte à chaussures Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? C'est en parlant de chaussures. Ça me rappelle ce que ce fumier m'a fait. Bon, écoute, ma belle, soit je te ramène à ton prince et tu t'expliques avec lui, soit je t'emmène avec moi au Liron. Mais faut se décider, hein, parce qu'à 18h, j'ai séminaire, pouvoir magique et ménopause, et j'ai pas envie de louper ça. Bon, ok, j'ai compris. Toi non plus, t'en as rien à faire. Laisse-moi là. Oh, te fâche pas. Non, c'est bon, je descends. Ok, comme tu veux. Mais t'as drôlement changé, tu sais. T'étais tellement gentille avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie du conte de fées. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un chardonnay. Très bien. Oui? Oui, Cendrillon, c'est Blanche-Neige. J'ai pas répondu, j'étais à la gym. Oh là là, ma pauvre, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Flûte de nouille. Alors, Prince Albert te trompe? Ouais, je l'ai surpris en train de faire essayer une pantoufle de verre à une nana. Oh là là là là là là, ma pauvre chérie. Je me disais bien que ça avait pas l'air de tourner rond, mais quand même. Ouais. Les princes sont cruels, Cendrillon, tellement cruels. Tant qu'il y a des lecteurs, ils se présentent sous leur meilleur jour, avec cheval blanc et tout le tralala, pour en mettre plein la vue, puis alors après, c'est genre, je pense qu'à ma pomme et... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Je viens de dire... Bah, enfin bon, tu vois, et depuis mon aventure avec la méchante reine, ça me reste coincé dans le gosier. Même les tartes et les compotes, je peux plus. Dis-moi, je voulais te demander si tu pouvais... Qu'est-ce que tu dis, Cendrillon? Je voulais te demander si tu... Bon, attends deux secondes, ma chérie. Hein. Bon, ça suffit, vous, là, hein, maintenant, on le sait que vous rentrez du boulot. Hein. Il y a des millions de gens qui rentrent du boulot tous les soirs et font pas chier avec des chocolats à la con. Je les aime, hein, je les aime très fort, mais alors je te jure, des fois, je mettrais tout ça dans un cirque, quoi, Fort Boyard, hein, et mon prince UMP qui est absent toute la semaine depuis qu'il est député. Je te l'ai dit, ça, qu'il était député. Hein. Oui, oui, mais dis-moi, je suis dans la panade, là. J'ai quitté la maison et je ne sais vraiment pas où aller. Tu peux m'héberger? Oh, ma chérie, mais bien sûr, hein, et dire que je te l'ai même pas proposé, mais que je suis bête. Mais oui, viens donc, il y a un lit libre dans la chambre des nains. Arrive quand tu veux, surtout. Bon. Tu te souviens comment on fait? Soit tu prends le train à Gare du Nord, tu descends à Salo-la-Forêt. Non, mais c'est bon, je vais appeler Clochette pour qu'elle me téléporte d'un coup de baguette. Ah, mais t'es pas au courant pour Clochette? Non. Eh ben, elle a enfin réussi à décrocher un dîner avec Peter Paul, espère bien conclure ce soir. Non, mais attends, il est resté bloqué à 16 ans, elle en a 63, c'est du délire. Je te le fais pas dire, mais depuis que les cougars sont à la mode, ça l'a complètement décomplexé. Bon, allez, monte dans un train et arrive. Bisous tendres, ma princesse.